Les masses médias de divers pays et régions ont rapporté du 2 au 6 courant les nouvelles des activités révolutionnaires du dirigeant suprême Kim Jong-un. Les agences de presse TASS et Develos, l'agence de presse Internet Data et la revue Internet Lemchichi de Russie, la télévision satellitaire Phoenix de Hong Kong et le réseau Planète de Chine, l'agence de presse Gyodo du Japon, le journal laotien Bientian Times, la revue Internet Nepal Today, le journal égyptien Al-Yawm Al-Sabiha, le site Internet du Comité national nigérien d'études du kimilsonisme kimjonglisme, du Comité national d'études des idées du Tutsi du Congo démocratique, du Cercle d'études des idées du Tutsi de Basque de l'Espagne et du Comité africain siégeant au Nigeria pour l'amitié et la solidarité avec le peuple coréen, ont fait part que le maréchal Kim Jong-un a visité l'école primaire pour orphelins de Pyongyang nouvellement construite. La revue Internet russe Lemchichi et le homepage Internet de l'association d'amitié Pektusan Tchèque-Corée ont informé de son inspection des chantiers de construction de l'avenue de Myon. Les masses médias ont présenté les photos du dirigeant suprême coréen.